Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 et je suis en compagnie de Laurent Drisson. Il est astrophysicien au département de physique, de génie et d'optique de l'Université Laval. Son champ de recherche, c'est les étoiles massives et sans doute a-t-il voulu partager au grand public son intérêt et son émerveillement pour les étoiles massives, car il vient d'écrire un livre intitulé « Des vagues dans l'espace-temps, splendeur des étoiles massives » paru récemment aux éditions Multimonde. Et nous avons grand plaisir d'accueillir Laurent Drisson pour qu'il nous parle de son livre et à travers son livre de sa passion pour les étoiles massives. Bonjour Laurent. Bonjour Valérie. Alors j'utilise les mots émerveillement et passion parce que c'est ce qu'on a l'impression en lisant votre livre. On ressent réellement comme un envoûtement pour ces étoiles massives. Ah ben merci, c'est gentil. Ben, effectivement, oui, ben c'est le sujet de, ça a été le sujet de mon mémoire de maîtrise déjà dans les années 80, de ma thèse de doctorat. J'ai étudié d'autres genres d'objets, des galaxies, des amas globulaires, mais les étoiles massives, c'est toujours resté ma passion depuis le tout début. Puis dans ce livre-là, j'ai voulu en faire pas tout à fait un bilan de carrière, mais presque, un petit peu expliquer ce que j'avais appris sur ces étoiles-là, ce qui faisait que c'était les étoiles les plus extraordinaires de tout l'univers. Et ben c'est ça, un petit peu mon parcours aussi, mais surtout centré sur les étoiles massives. Ouais. Ben donc ce livre décortique les étoiles massives, effectivement, puis on va y revenir, mais ce livre, c'est aussi un livre d'histoire de l'astronomie, un petit peu, parce que pour parler de ce qu'on sait sur les étoiles massives aujourd'hui, il a bien fallu commencer par dire ce qu'on savait avant, comment on a découvert petit à petit ces étoiles, et donc par présenter toutes des observations historiques des savants qui les ont faites et dans quelles conditions. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, ce côté-là aussi. Ben, c'est aussi une de mes passions, l'histoire des sciences en particulier, et surtout l'histoire de l'astronomie. Donc, d'essayer de comprendre, de se mettre dans la tête des personnes qui travaillaient au début du siècle, au début du 20e siècle, et aussi à la fin du 19e, sur les étoiles. Essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une étoile d'abord, à une période où la structure de l'atome était tout à fait inconnue. On en connaissait des bribes au début du 20e siècle, relativement peu. Et donc, c'est revenir un petit peu en arrière, se mettre un petit peu dans la peau de ces gens-là qui m'intéressaient. Et il y a aussi le fait que la façon dont les astrophysiciens écrivaient leurs articles à l'époque et leurs livres étaient totalement différents de ce qu'on fait aujourd'hui. Oui, puis j'ai bien aimé, vous mettez des extraits justement, puis je trouve ça presque, je vais utiliser un mot qui peut peut-être être péjoratif, mais pour moi ça ne l'est pas, mais un peu naïf, parce qu'ils décrivent vraiment comme un enfant décrirait quelque chose. C'est exactement. Et puis ils le disent au jeu aussi, ce qui est complètement différent des articles scientifiques qu'on lit aujourd'hui. Aujourd'hui, on écrit des articles qui sont extrêmement factuels. Bon, j'ai observé telle étoile avec tel télescope à telle heure. Mais c'est même pas jeu, c'est c'est ça, et souvent c'est des équipes de 10-15 personnes, et c'est assez, je dirais pas plate, mais c'est très factuel. Donc, on lit un article pour vraiment en venir aux faits, alors qu'à l'époque, les astronomes étaient très, c'était très personnalisé la recherche, et comme vous dites, c'était un petit peu naïf. Bon, pourquoi est-ce que les étoiles brillent? Là, je vais émettre mes hypothèses, ça pourrait être ceci, cela. Et finalement, à la fin, je vais choisir celle qui me paraît la plus intéressante. Et en faisant ça, je vais égratigner mon collègue qui est de l'autre côté de la rue, parce qu'il fait du travail qui n'a aucun sens. Ça se disait à l'époque, dans les articles des années 1920-1930, vous voyez souvent Arthur Eddington, James Jeans se chicaner par l'intermédiaire de leurs articles, ce qu'on n'oserait absolument pas faire aujourd'hui. Mais je disais aussi un petit peu naïf, dans le sens où on ressent même, avec leur façon de décrire ce qu'ils observent, un certain étonnement qu'on ne ressent pas quand on lit un article scientifique aujourd'hui. C'est comme vous dites, c'est assez plat le ton. On est toujours étonné par ce qu'on fait, par ce qu'on découvre. Puis si vous allez dans une salle de contrôle d'un observatoire, vous allez voir que les astronomes qui voient les images ou les spectres de leur galaxie sont aussi épatés, ébahis. Mais la traduction dans les articles professionnels ne se fait pas. La traduction de l'émotion aujourd'hui se fait très, très peu. Il y a très peu d'articles comme ça qui laissent paraître l'émotion des chercheurs. Puis ce qui est intéressant aussi avec ce retour dans le temps, c'est que ça nous amène à considérer des questions auxquelles on ne pense même pas, même plus aujourd'hui, parce que la réponse nous est évidente. Donc je pense par exemple au fait que les astronomes regardaient ces étoiles qui brillent, ça brille beaucoup, et ils sont venus à se demander mais quelle est l'énergie qui permet aux étoiles de briller. Aujourd'hui, on sait qu'il y a de la radioactivité dedans, puis on ne se pose plus la question. Mais à l'époque, ce n'était pas du tout évident. À l'époque, ça ne l'était pas du tout. Et d'abord, il a fallu calculer la quantité d'énergie que les étoiles émettaient. Pour le Soleil, c'était quand même relativement simple. Il fallait aussi déterminer l'âge de ces étoiles, ce qui n'était pas toujours évident. Est-ce que le Soleil avait, quoi, 1 million d'années, 10 millions, 1 milliard? On ne le savait pas du tout. Là, on se met dans le contexte de la fin du 19e, début du 20e siècle. Comme je le mentionnais tantôt, la structure des atomes était tout à fait inconnue. Donc, il y avait tout à fait d'autres hypothèses pour expliquer pourquoi les étoiles brillaient. Entre autres, le fait que, bon, les étoiles étaient probablement constituées de gaz qui se comprimaient sous l'effet de la gravité. Et quand on comprime un gaz, ben, la chaleur est émise. Donc, c'était l'hypothèse qui était la plus acceptée au début du 20e siècle, jusqu'à ce que certaines personnes, et entre autres Arthur Eddington, se disent, ben oui, mais ça serait valide pour quelques dizaines de milliers d'années, peut-être, dans certains cas, de quelques millions d'années. Mais déjà, à l'époque, on avait une idée que la Terre était beaucoup plus vieille que ça. On parlait de milliards d'années. Donc, comment est-ce qu'on peut faire briller une étoile avec simplement la force de la gravité et le réchauffement du gaz sur des milliards d'années? C'est absolument impossible. Et il faut absolument relire, justement, les articles d'Eddington de l'époque où il le dit assez candidement. Il dit, les hypothèses qu'on a émis jusqu'à maintenant, ça ne tient pas la route du tout. Mais justement, là, vous parlez, il faut relire les livres et les articles. Mais est-ce que vous avez fait tout un travail d'archéologie pour retrouver tous ces extraits que vous nous offrez dans votre livre? Oui, en partie parce que bon, je donne un cours sur la structure, l'évolution stellaire au niveau du doctorat à l'université. Et dans le cadre de ce cours-là, j'avais déjà fait une recherche, évidemment, sur ce qui se faisait à l'époque. Je fais lire mes articles aussi, ces articles-là, à mes étudiants. Donc, il y avait déjà une partie du travail de fait. Mais à un moment donné, dans le cours de l'écriture de mon livre, je me suis dit, oui, on peut parler des étoiles massives, mais il faut parler du Soleil aussi. Et le Soleil, c'est pas du tout mon domaine. Donc là, j'ai dû relire des livres et des articles que j'avais absolument pas lus. J'en avais entendu parler, mais je n'avais pas lu les articles eux-mêmes. Et souvent, en fait, pour écrire un paragraphe ou disons une page dans le livre, j'avais lu un livre ou deux, puis trois, quatre articles sur le sujet pour essayer de condenser ça dans le livre. Donc, ça a été beaucoup de lecture. Oui, mais je disais aussi beaucoup de recherches historiques ou archéologiques pour retrouver ces anciens textes aussi. Oui. Là, c'est pas forcément facile à trouver. C'est pas facile à trouver, sauf que, bon, à cette époque-là, il n'y avait pas des milliers d'astronomes comme aujourd'hui qui travaillaient sur des sujets donnés. C'était quand même un milieu relativement restreint. Donc, quand on connaissait une ou deux personnes, ben, on allait lire leurs articles. Ils faisaient référence à des travaux de leurs collègues. Et là, on augmentait un petit peu le bassin des gens à qui on parlait. Donc, c'était une longue recherche, mais pas si compliquée que ça. On va revenir aux étoiles massives, mais avant, je crois qu'il faut parler de spectroscopie aussi, parce que ça a l'air d'être l'outil, la méthode pour pouvoir étudier les étoiles, finalement. Donc, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il en est beaucoup question après dans votre livre. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est que cet outil et de quelle façon on peut faire parler les étoiles avec la spectroscopie? C'est vraiment l'outil fondamental. Quand on dit qu'une image vaut 1000 mots, un spectre vaut des millions d'images, si on veut, faut réaliser que l'information qui nous provient des étoiles, des galaxies, elle est presque exclusivement transmise par la lumière. On parlera tantôt peut-être des ondes gravitationnelles, bon, les rayons cosmiques, mais la grande majorité de l'information nous provient de la lumière. Et l'intérêt de la lumière, c'est qu'elle interagit beaucoup avec la matière. Et lorsque, par exemple, la lumière est émise du centre d'une étoile, qu'elle traverse son atmosphère, la lumière interagit avec les atomes de carbone, d'oxygène, d'hydrogène, et elle garde une trace, une empreinte de cette interaction. Et elle transmet cette trace-là à des milliards d'années-lumière. Donc, quand on prend la lumière, qu'on la dissèque en ces différentes longueurs d'onde, avec un spectrographe, par exemple, là, on voit les traces de cette interaction. Donc, on voit, par exemple, les signatures de l'hydrogène, du carbone, de l'oxygène, qui nous transmettent énormément d'informations sur, pas seulement la composition chimique, mais par exemple la température du gaz, la température de l'étoile, sur la vitesse à laquelle l'étoile se déplace par rapport à nous, sur la densité, sur toutes sortes de paramètres physiques importants. Ah oui, c'est comme la carte d'identité presque. Exactement. Donc le gros du travail des astronomes, c'est d'interpréter cette lumière-là, et la majeure partie de cette information est analysée avec la spectroscopie. Donc venons-en à ces étoiles massives. Donc vous disiez, le Soleil, c'est pas du tout votre domaine, donc c'est pas une étoile massive. Donc parlez-nous un petit peu, faites-nous un petit portrait. Bon, on va pas faire un portrait exhaustif, parce qu'on en découvre plein dans votre livre, je ne savais pas que c'était si riche, mais il y a tout un bestiaire d'étoiles apparemment, donc faites-nous un petit portrait de ces étoiles. J'en ai pour 3-4 heures à peu près où vous en parlez, donc si, si on regarde un petit peu la masse d'une étoile, qui est le paramètre le plus fondamental pour la vie d'une étoile, disons les étoiles les moins massives ont environ 1/10 de la masse du Soleil. En deçà de cette valeur-là, la température au cœur des étoiles n'est pas suffisante pour générer des réactions nucléaires. Donc, ce ne sont pas des étoiles. Et la masse limite supérieure, c'est environ 150 à 200 fois la masse du Soleil. Mmh. Au-delà de cette masse, les étoiles deviennent instables. Donc, entre les deux, il y a tout un florilège d'étoiles. Et le Soleil, c'est une étoile tout à fait ordinaire. Ce qu'on appelle les étoiles massives, c'est celles qui, par définition, explosent en supernova. Mm-hmm. Le Soleil va terminer sa vie de manière extrêmement simple, très lente. Ça va prendre des milliers d'années, des millions d'années. Une étoile massive, elle explose à la fin de sa vie, ça prend une fraction de seconde. Ah ouais? Elle se contracte et finalement elle explose et ça donne le phénomène qu'on appelle une supernova. Mm-hmm. Et ça, toutes les étoiles qui ont une masse supérieure à 8 à 10 fois la masse du Soleil terminent leur vie mm-hmm. de manière catastrophique comme ça, comme mm-hmm. Sous forme de supernova. Mm-hmm. Et au centre, va se former alors une étoile à neutrons ou un trou noir. Mm-hmm. Donc, c'est ce qui différencie ce qu'on appelle les étoiles massives des étoiles... Des autres. Ouais. Des autres, mm-hmm. oui. Mais malgré tout, dans les étoiles massives, c'est une grande famille. Il y en a encore plusieurs types. Puis vous avez vos préférés. Effectivement, j'ai mes préférés depuis presque 35 ans maintenant. C'est les étoiles qu'on appelle de type Wolf-Rayet. Mm-hmm. Toutes ces variétés d'étoiles massives dépendent uniquement de leur statut évolutif. Par exemple, une étoile qui vit sa vie normale, qui transforme l'hydrogène en hélium, une étoile massive, on va l'appeler une étoile de type O ou B. Simplement, mm-hmm. le Soleil est une étoile de type G de la séquence principale. Lorsqu'elle évolue, lorsqu'il ne reste plus d'hydrogène au centre, là, à ce moment-là, l'étoile devient une supergéante. Il y a d'autres réactions nucléaires qui prennent le relais. Par exemple, la transformation de l'hélium en carbone et en mm-hmm. oxygène. Et là, l'étoile peut devenir une supergéante bleue, mm-hmm. comme Rigel dans la constellation d'Orion, par exemple, ou une supergéante rouge, comme Bételgeuse, toujours mm-hmm. dans la constellation d'Orion. Mm-hmm. Ensuite... On les voit vraiment bleues ou rouges? Exactement. Quand on les regarde? Oui, tout à fait. Puis, ouais. Prendre une simple photo avec ouais. un appareil photo ordinaire, pas un iPhone, mais un appareil photo mm-hmm. ordinaire, vous allez voir la couleur de mm-hmm. Bételgeuse qui est orangée, Rigel qui est à l'autre extrémité d'Orion qui est vraiment bleutée. Mm-hmm. Donc, on voit vraiment mm-hmm. les couleurs des étoiles. Bételgeuse est donc froide, supergéante. Et ensuite, les étoiles peuvent devenir des étoiles Wolf-Rayet si elles sont suffisamment massives. Donc là, on parle des étoiles mmh. qui se sont formées avec au moins 25 fois la masse du Soleil, mmh. elles vont finir par perdre une partie de leur atmosphère et devenir ce qu'on appelle des étoiles Wolf-Rayet. Mmh. Puis pour étudier ces étoiles, vous avez dit, on parlait de la spectrométrie, donc qui est l'outil indispensable pour voir les étoiles. Et là, vous avez dû vous-même concevoir un appareil, vous et votre équipe, vous avez dû concevoir un appareil. Ça s'est fait en deux temps. Il y a eu Espion ou Spium, je ne sais pas comment Espion, on le dit. Espion, Espion. Puis Citel. Oui. Parlez-nous de ces appareils, qu'est-ce qu'ils avaient de particulier que les autres spectromètres qui existaient déjà n'avaient pas? Ben, d'abord, le fait de construire ces instruments ou de les développer, ça a été plutôt par frustration. Mmh. Au début des années 90, j'utilisais des spectromètres relativement conventionnels à des télescopes comme le télescope Canada-France-Hawaï, par exemple, ou celui de l'Observatoire du Mont-Mégantic. Mais c'était très frustrant parce qu'il fallait alors choisir une région en particulier d'une galaxie qu'on voulait observer. Mm-hmm. Moi, je voulais vraiment avoir de l'information sur toute la galaxie au complet. Mm-hmm. Et à l'époque, ça n'existait pas. C'était absolument impossible. C'est comme s'il y avait un champ de vision trop restreint? Beaucoup trop restreint, effectivement. Mm-hmm. Donc, il y a toute une série de conférences auxquelles j'ai assisté qui m'ont tout d'un coup fait allumer sur la possibilité d'utiliser non pas... De séparer la lumière non pas avec un spectrographe conventionnel, mais plutôt d'utiliser une propriété de la lumière qu'on appelle l'interférence. Et donc, on a établi une collaboration avec une compagnie de Québec qui, à l'époque, s'appelait Baumem, mm-hmm. qui aujourd'hui a été rachetée par la compagnie ABB. Donc, des ingénieurs, des techniciens, des informaticiens. Et on a développé ces instruments. Donc, Espion, c'est le prototype mm-hmm. pour l'Observatoire du Mont-Mégantic. Et ce qu'il fait... C'est que, imaginez-vous une image d'une galaxie avec un certain nombre de pixels, à peu près 1 million de pixels dans votre image. Bien, imaginez que pour chacun de ces pixels, au lieu d'avoir une seule intensité de la lumière, on a un spectre. Mmh. Ah oui. Donc, ce que ces instruments nous donnent, c'est un spectre pour chaque élément visuel dans l'image. Mm-hmm. Et donc, dans le cas de Citel, par exemple, qui est la version 2.0 de Espion, qui est au télescope Canada-France-Hawaï, on a 4 millions de spectres. Mm-hmm. À chaque cube de données qu'on obtient, qui prend à peu près 3 heures. Ouais. J'ai fait ma thèse avec à peu près une trentaine de spectres. Mm-hmm. Ma compagne Carmel, qui elle aussi est astrophysicienne, mm-hmm. elle en a fait un petit peu plus, peut-être 200, 300 spectres. Ben aujourd'hui, on obtient une dizaine de millions de spectres par nuit. Il va falloir beaucoup de têtes pour les étudier. Et c'est un cauchemar. Ouais. C'est un cauchemar. Mais là, donc, si je comprends bien, c'est qu'au lieu d'avoir une image bidimensionnelle, avec les couleurs, finalement, pour chaque petit pixel, chaque petit carré, on rajoute une troisième dimension dans laquelle on met toutes les longueurs d'onde. Oui, exactement. Donc, par exemple, si vous allez à une longueur d'onde qui correspond à celle de l'hydrogène, vous allez avoir une image de la galaxie dans laquelle on voit l'hydrogène ionisé. Si on se déplace un petit peu dans les longueurs d'onde, on voit l'azote. Alors là, l'image est un petit peu différente. L'azote n'est pas tout à fait aux mêmes endroits que l'oxygène. Même chose pour le soufre ou l'oxygène. C'est une image multidimensionnelle de nos objets. Est-ce que ça arrive souvent que les astrophysiciens aient à concevoir leurs outils pour répondre à une question qui se pose ou pour... De plus en plus. Oui. Justement, à cause de la frustration qu'on a avec les instruments qui existent. Oui. Mais ça se fait de plus en plus. Et à l'Observatoire du Mont-Mégantic, c'est devenu une des spécialités de l'Observatoire. Mm-hmm. Au tout début, à la fin des années 70, on achetait nos instruments. Le spectrographe, par exemple, on l'a acheté à l'extérieur. Mais rapidement, on en est venu à la conclusion que ça valait la peine de construire nos propres instruments. Donc, par exemple, ici à l'Université Laval, Jean-René Roy et ses collègues, ses étudiants, ont travaillé sur ce qu'on appelle des interféromètres de Fabry-Perot mm-hmm. pour étudier le comportement du gaz dans les galaxies. À l'Université de Montréal, ils se sont spécialisés dans l'instrumentation dans le domaine de l'infrarouge, donc des caméras, des spectrographes infrarouges. Et ensuite, nous, à l'Université Laval, on est revenu avec cette idée de spectromètre à transformer de Fourier. Mm-hmm. Puis, vu la complexité quand même pour construire un outil comme ça, c'est tout un travail d'équipe. Il y a de l'astrophysique, mais vous le disiez, il y a peut-être de la mécanique, de l'informatique. C'est tout un travail d'équipe. Et on sent aussi dans votre livre que vous n'hésitez pas à nommer toutes les personnes qui ont travaillé sur Citel, mais même sur d'autres projets de recherche. Donc, ça semble important aussi pour vous. Et puis, pour le lecteur, on voit que finalement, c'est une grande famille, les astrophysiciens. Puis ça donne vie aussi à la matière. C'est fondamental. Le travail d'équipe est fondamental, surtout lorsqu'on construit un instrument comme ça. C'est, je dirais peut-être, il y a une cinquantaine de personnes qui ont travaillé sur Citel. Des ingénieurs. Par exemple, l'ingénieur en charge de Citel, c'était Julie Mandard chez ABB, qui a fait sa maîtrise à l'Université Laval en travaillant un petit peu sur Espion. Il y a des informaticiens. Les logiciels sont une composante fondamentale d'un instrument aujourd'hui extrêmement important, donc des logiciels pour analyser les données. Et ça aussi, ça a été le travail de plusieurs étudiants. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui ont participé au projet, beaucoup d'ingénieurs, des techniciens, techniciennes. C'est vraiment un gros, gros travail d'équipe, effectivement. Revenons-en aux étoiles massives, c'est quand même aussi l'objet du livre. Donc là, on apprend que les étoiles massives, finalement, il y a des vents aussi. On remarque le soleil aussi, il émet des vents. Donc, on découvre les bulles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Puis tout ça semble former des nébuleuses avec des couleurs fantastiques. Est-ce que vous pouvez nous mettre tout cela en image? Oui, donc vous avez mentionné le soleil qui émet une forme de vent. Donc le soleil s'évapore et on en voit les conséquences sur Terre, par exemple lorsqu'il y a des aurores boréales. Mm-hmm. Bon, c'est de la matière qui provient du soleil qui arrive dans le champ magnétique terrestre. Mais dans le cas du soleil, le vent n'a aucune influence sur sa vie. Le vent est tellement faible que le soleil, il s'en balance un petit peu, il vit sa vie sans tenir compte de son vent. Chez les étoiles massives, ce vent-là est vraiment très important. Les étoiles massives peuvent perdre jusqu'à 2/3 de leur masse au cours de leur vie par l'intermédiaire de ce vent qui est extrêmement fort. On parle de dizaines de milliards de fois plus puissant que le vent du Soleil. Mm-hmm. Et donc, au lieu que ça soit une petite brise très tranquille, on parle vraiment de force d'ouragan, de vent d'ouragan. Donc, les étoiles perdent énormément de matière et cette matière-là se retrouve dans le milieu qui les entoure. Et donc, souvent, les étoiles massives, dans la plupart des cas, sont entourées de ces espèces de coquilles qu'elles ont formées par l'interaction de leur vent avec le milieu interstellaire. Et ça, on les voit, c'est visible ou c'est même, dans les les longueurs d'onde des couleurs visibles, ou est-ce qu'il faut avoir des longueurs d'onde particulières? Dans le visible, effectivement, les étoiles massives sont en général extrêmement chaudes. Ouais. Donc, elles ionisent ce milieu interstellaire qu'elles ont créé, ces coquilles, et en les ionisant, elles les rendent justement visibles, je dirais pas à l'œil nu, mais dans le domaine que l'œil peut percevoir. Mm-hmm. Et donc, c'est ça, ces coques, c'est les bulles que vous appelez, que vous décrivez dans le livre, ce sont ces coques? Oui. Oui? C'est les coquilles qui entourent ces étoiles massives. D'accord. Oui. Et alors là, il y a quand même, pour revenir aussi aux étoiles Wolf-Rayet, c'est ça? Oui. Donc, elles font aussi des bulles. Oui. Et il y a un rapport particulier avec notre système solaire. Et oui. Racontez-nous ça. Bon, écoutez, on a découvert dans les météorites un élément, un isotope, le magnésium 26. En surplus par rapport à ce qu'il aurait dû être normalement dans l'univers. Donc, il y a un surplus de magnésium 26 qu'on trouve dans le système solaire. Et il faut trouver l'origine de ce magnésium 26. Or, il apparaît que cet isotope provient de la décomposition de l'aluminium 26, un autre isotope. Mm-hmm. Et les étoiles Wolf-Rayet sont des productrices immenses d'aluminium 26. Mm-hmm. Donc, une des hypothèses sur l'origine du système solaire, on savait que le système solaire avait été créé par des étoiles massives qui interagissent avec un nuage moléculaire. Mais là, on a de plus en plus tendance à croire, en tout cas, c'est l'hypothèse de plusieurs chercheurs, que ces étoiles massives étaient effectivement des étoiles Wolf-Rayet, qu'elles ont émis tout cet aluminium, et cet aluminium, au cours des milliards d'années, s'est transformé en magnésium. Mm-hmm. Et donc ça a formé comme un nuage, je ne sais pas comment on l'appelle, proto-solaire ou proto-planétaire, je ne sais pas, dans lequel notre Soleil et les planètes se sont formées. Exactement. On vient de là? On vient d'un nuage qui a été pollué par des étoiles massives. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais l'or qu'on a dans nos bijoux, la seule façon de produire de l'or dans l'univers aujourd'hui, du moins 95% de l'or dans l'univers, c'est par la fusion d'étoiles à neutrons qui étaient auparavant des étoiles massives. Donc, non seulement on leur doit l'oxygène, mais on leur doit aussi l'or et éventuellement le magnésium 26. Puis vous terminez, parce qu'effectivement, vous pourriez en parler des heures et des heures, puis on pourrait vous réinviter d'ailleurs. Donc, vous terminez votre livre sur le chapitre qui porte aussi le titre du livre, donc les vagues dans l'espace-temps, les ondes gravitationnelles. Est-ce que ça aussi, ça a un rapport avec les étoiles massives? Tout à fait. Les ondes gravitationnelles, c'est... Faut remonter un petit peu à Einstein, au début du siècle, avec sa théorie de la relativité générale. Donc, pour Einstein, l'espace et le temps sont liés, on appelle ça l'espace-temps, et tout objet qui a une certaine masse, que ce soit le Soleil ou la Terre, déforme la structure de l'espace-temps. Mais évidemment, lorsqu'on a une étoile à neutrons qui est extrêmement compacte, ou encore pire, un trou noir qui est encore plus compact, alors la structure de l'espace-temps est beaucoup plus affectée par la présence de ces objets. Et lorsque vous avez un trou noir ou une étoile à neutrons qui se déplace rapidement, l'espace-temps oscille autour de lui, et cette oscillation se transmet à travers les milliards d'années-lumière pour éventuellement parvenir jusqu'à nous. Et la première détection de ces ondes gravitationnelles date de relativement peu longtemps, en 2015. Ouais. Et depuis ce temps-là, on en a détecté peut-être une vingtaine. Ouais. Et donc, on découvre de plus en plus l'intérêt d'observer ces structures dans l'espace-temps qui nous donnent une espèce d'information sur l'avenir des étoiles massives. Oui, c'est ça. Puis ça ouvre une autre fenêtre d'observation pour comprendre l'univers. Exactement. Mm-hmm. Alors, évidemment, le livre rentre beaucoup plus en détail, en profondeur, dans la splendeur des étoiles massives. Et il y a au centre du livre, d'ailleurs, un petit cahier de couleurs, d'images en couleurs qui nous permettent de saisir cette splendeur des étoiles massives. Donc, merci beaucoup, Laurent Dreyson, de nous avoir partagé votre passion pour les étoiles massives et d'être venu nous présenter votre livre ici, à Futur Simple. Puis je rappelle que ce livre, dont je rappelle le titre, Des vagues dans l'espace-temps, splendeur des étoiles massives, est paru aux éditions Multimonde et que Laurent Dreyson est astrophysicien à l'Université Laval. Merci beaucoup, Laurent. Merci, Valérie. On va faire une petite pause sur CKRL 80 et au retour, ce seront deux étudiantes de l'INRS qui nous parleront des pesticides et des perturbateurs endocriniens.